7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et on est là, Bandi à la planète, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une agréable nuit sous la flotte aujourd'hui. Bah ouais, et ça va durer toute la journée. Pas de soleil, hein. Hier on a eu quelques rayons de soleil, mais aujourd'hui c'est mort, hein. De la pluie. Et pas mal de vent, hein, jusqu'à 40-50 km/h. Soyez heureux dans votre vie, bon petit déj à tous. Et aujourd'hui, ça y est, c'est la réouverture des discothèques. Alors peut-être pas aujourd'hui pour le Loiret, mais en tout cas ça sera jeudi, vendredi, samedi sur Orléans et ses alentours. Les discothèques réouvrent les portes, donc n'hésitez pas à aller faire la fête ce week-end. Je vous rappelle, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, c'est super important. Hein. Soyez prudents sur les routes quand vous sortez en boîte. En tout cas, ça va être la fête, je peux vous le dire, ce week-end. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Et puis aussi le Paris Saint-Germain hier qui ont gagné 1-0 face au Real. C'était les huitièmes de finale. Et but de qui? De Mbappé. Bah ouais, c'est comme ça. Heureux d'être là, c'est Francky avec du son, Caliente qui arrive. Et puis on a Grégoire, mon poteau qui arrive. C'est quand? Eh bien, c'est tout de suite. Belle journée, bon réveil. C'est quand que tu viens? C'est quand que tu passes? C'est quand que tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens, on se casse? C'est quand la douceur de tes bras chauds? C'est quand la chaleur? La chaleur de tes lèvres sur ma peau? C'est quand que t'arrives? Sur le 96.2 FM le matin comme ça avec vous. Monsieur Ferriac est avec nous au téléphone, ça a coupé, mais il va nous rappeler. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Belle journée, courage à vous pour les toughers là. Les toughers et les toughers aussi. Vas-y Marquito au Portugal. Vou te dizer quem eu sou, um gitano cheio de amor, orgulhoso que eu vou, um conquistador servo. casa pode ser. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar. Eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia. Deixa andar a magia. Vou-te dizer quem eu sou. Visitando cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou-te dizer onde eu vou. Lá pra frente tem mais sabor. Invejoso não sou. A filha só pode ser. Sem trabalho a demora, que eu acaba, chico a hora, já estou cansado, te vou agradecer, a bebida que me faz tanto esquecer, a loucura do meu mundo que anda a sofrer, gosto do fim de semana, vou-te dizer quem eu sou. Sano, Marquino sur la radio couleur, 7h07. Merci à vous de vous connecter aujourd'hui sur le net. Hein, vous pouvez nous écouter en Radio France à l'Orléans. En plus, vous allez voir le nouveau site, impeccable. Et puis, Covid-19, il n'est plus possible d'acheter des tests dans les grandes surfaces à partir d'aujourd'hui. Bah, ça y est, hein, c'était jusqu'au 15 février. La vente d'autotests en supermarché avait été prolongée jusqu'à aujourd'hui. C'est désormais terminé. Le prix, par contre, baisse nettement en pharmacie. Donc, rendez-vous dans les pharmacies maintenant si vous voulez l'autotest de nos marques arrivées sur le net. Ella se sentenció a su lena por vida eterna. Cambiemos se negó. Sean!

tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. En chantant, c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. En chantant, et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. En chanson, la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi la douleur et le sang. Toutes les fureurs qu'elle porte en elle, la peur des hommes, la peur du ciel et toutes les forêts du vivant. Terre tous les mouvements, les langues de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer. Des nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Mes chers parents, je pars, je vous aime mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. La météo. Radio Constel, la météo pour ce matin avec juste le meilleur de Michel Sardou. Une belle comédie musicale qui est en tournée sur toute la planète et sur toute la France surtout. Le ciel est couvert aujourd'hui comme vous pouvez le voir, hein, pas mal de pluie et de nuages et ça va perdurer malheureusement toute la journée avec pas mal de vent aussi. Les températures au lever du jour s'augmentent un petit peu. 9 degrés, on ira jusqu'à quand même 14. Demain, une petite accalmie demain avec un peu de soleil quand même, quelques nuages, mais le soleil sera de retour demain avec des températures en légère baisse, 7 degrés au lever du jour, 13 degrés ce jeudi avec samedi du soleil et des nuages. Vendredi, de la pluie malheureusement pour la réouverture des discothèques. Mais bon, c'est pas grave, on fera la fête avec vous. Daddy Yankee qui arrive, on est heureux de vous retrouver jusqu'à 9h, c'est Francky dans la radio. Si vous voulez laisser un message, eh bien vous m'appelez 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Je le rappelle, hein, 02 38 43 00. Bande à la planète et belle journée, bon réveil sous le soleil de la radio avec celui que vous adorez, Tony Kerr. Sei se sou capaz de te falar de mim. Se ao olhar para trás, eu nem sei de onde vim. De onde vem esta dor que me rouba a calma? A falta desse amor que me trespassa a alma. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, I'm vai acabar. E contra o destino que a nós os dois foi dado, eu traço outro rumo para ficar a teu lado. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Tenía que decir, está pura, pura. Ça fait du bien un peu de soleil pour aller au boulot ce matin avec Daddy, Yankee, Doula, Doula. Belle journée, bon petit déj à vous. 7h26 en direct à la radio, c'est Francky. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Elle rayonne d'où le sol. Et là, ça va pas plaire à certains qui habitent à Dijon parce que la meilleure moutarde, eh bien, elle n'est pas à Dijon. Elle est à Orléans. Et ouais, elle a été élue par le magazine Elle à table. Elle nous a classé premier de son banc d'essai des meilleures moutardes de France. Et en plus, fier parce que la vinaigrerie moutarde est à, allez, 100 mètres de la radio. Ouais, faut Bourbonnier. Ça fait plaisir d'avoir des voisins qui font de la belle et bonne moutarde. Du son qui arrive avec The Weeknd, c'est sur la radio couleur. Belle journée et bon réveil. J'adore ce titre The Weeknd avec Take My Breath. Ça sonne très, très disco, justement. En parlant de disco, les discothèques qui arrivent. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Eh ouais, l'actu du jour et puis l'autotest qui est arrêté à partir d'aujourd'hui dans les grandes surfaces. Vous ne les trouverez que dans les pharmacies à des prix bien sûr beaucoup moins chers. Hein. La cause, c'est que les pharmaciens n'étaient pas du tout contents. Donc du coup, à partir d'aujourd'hui, les autotests seront dispo dans toutes les bonnes pharmacies. Le PSG qui a gagné hier face au Real 1-0, but de Mbappé, c'était pour les huitièmes de finale. Et puis enfin, la réouverture des discothèques, c'est à partir d'aujourd'hui. Dans le Loiret, ça sera jeudi, vendredi, samedi, donc n'hésitez pas à aller voir vos amis en discothèque. Du son qui arrive avec Henry Mendes, Francky dans la radio, jusqu'à 9h. Le temps est pluvieux aujourd'hui avec pas mal de vent, donc soyez prudents sur les routes. El Rayos del Sol.

Je suis Morgane de toi. J'adore Claude Capéo qui reprend Renaud avec merveille d'ailleurs. Morgane de toi, de vous ce matin. 7h48 sous la pluie malheureusement et les nuages. Ça caille un petit peu ce matin. 9 degrés, on ne dépassera pas les 14. C'est quand même pas mal, hein. Du son qui arrive pour vous qui avez envie de faire la fête. Pourquoi pas, dès la voiture ce matin sur la tangentielle avec Cher, le meilleur des souvenirs et Believe. Avec de bons souvenirs le matin, les années 2000 avec Cher, I Believe, très bon petit déj si vous voulez d'arriver. 7h51 minutes en direct, c'est Francky, heureux d'être là dans la radio jusqu'à 9h. Et jusqu'à 9h, on est là, bah oui, avec l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. J'adore, parce que la radio, en fait, il y a plein de boutons, plein d'écrans et plein de boutons. On appuie partout l'horoscope et on démarre ce matin avec les béliers, les célibataires. Vous rêvez d'une belle histoire d'amour aujourd'hui. Patience, ça arrive. Les taureaux, ce sera le moment d'exprimer votre point de vue, discuter avec votre partenaire. Les gémeaux, votre sensualité vous guidera dans vos rapports avec l'être aimé. Les cancers, il y a une opportunité d'évolution dans votre vie de boulot, donc foncez, allez-y, n'hésitez pas. Les lions, un engagement dans votre couple, une question d'éducation concernant vos enfants ce matin. Les vierges, faites attention aux débordements de toute nature, surtout dans vos rapports avec les autres. Les balances, vous vous sentirez en totale harmonie avec votre entourage aujourd'hui. Les scorpions, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, vous serez totalement impliqué dans votre relation sentimentale. Les sagittaires, moment décisif dans l'univers familial, alors foncez ce matin. Les capricornes, pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez à côté de vous? Ben oui, pourquoi? Les verseaux, ne permettez à personne de m'insister, de m'insister votre vie vie intime. Eh ouais, c'est super important la vie intime. Hein. Ouais, personne ne doit s'en mêler d'ailleurs. Les poissons, pour terminer, les astres vous inclineront à la douce folie amoureuse et à la rêverie aujourd'hui. Malheureusement, la pluie est là ce matin. Bah oui, mais on a du soleil pour vous avec Shakira qui arrive avant le tour là. Oh, que de bons sons. Coucou à Pascalou qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, je te souhaite une très très bonne journée. Toi et tes proches, bah ouais, voilà, bonne journée à tous mes proches aussi. Renette là, Francky dans la radio, jusqu'à 9h. Le meilleur avec The Rhythm of the Night. Et voici Corona. To make my move. en plein des souvenirs. Bientôt 8h du mat, mon pote Dimitri qui est passé nous voir. Bon, un petit café. Ouais, la vie est belle chez Jiffy, vraiment. Ouais, c'est trop dire. Il sera notre invité vendredi, on vous en parle tout de suite en direct à la radio. Merci d'être là. Bientôt 8h, 7h59, 45 secondes. Eh ouais, je suis précis. Hein. Peut-être au boulot déjà. Eh ouais, c'est Francky dans la radio. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et il sera au téléphone avec nous, ça sera vendredi vers 8h, 8h30, chanteur de Zouk Love. Il cartonne en ce moment en France. Il s'appelle Philippe Mathura. On va écouter le nouvel extrait de son nouvel album. Continuez à zouker. C'est le son de Philippe Mathura. Il sera avec nous 8h30 au téléphone depuis Paris. En exclusivité à la radio, Philippe Mathura. J'en zoukla, t'es bien avant, ouais. Belle élodie à chaque sortie. Dis-moi pourquoi, dis-moi pour qui. Tout le monde paraît aller laisser. Mais on bitin, faut pas oublier. Il laisse ses traces dans le passé. Ça va gérer dans les carrés. VIP, qui voudra me gérer? Qui sera la plus fraîche? Tu verras les plus belles fesses. Ouais, collé, ambiancé, ce soir ça va zérer. On me guette tout en bas, j'ai pas le temps d'avoir le temps. J'étais, je tout égare, s'il te plaît, j'ai l'air doucement. J'ai calé, calé l'affaire, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire, laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Il est minuit, tu titubes. Tu tiens pas comme d'habitude. Tu connais, connais ma vie. Mes mimiques et mes manies. Mais pourquoi te fâcher? Trop parler peut tuer. Mais pourquoi te fâcher? La malade a tué. Stop, stop, stop ton délire. Stop, stop, stop que j'ai dit. Tous ceux qu'on auront ramé, à la fin ont gagné. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Ça, c'était les débuts de Aya Nakamura. Moi, j'adorais ce titre-là. Maintenant, j'aime pas trop, mais bon, on est avec vous. 8h06, la météo qui arrive pour ce matin, bah, c'est pas terrible. Hein. Eh ouais, la pluie est là. La météo. La météo pour aujourd'hui, nous sommes le 16. Ah, le 16, l'ouverture des clubs en France, des discothèques. Ça, ça va faire du bien pour vous, peut-être ce week-end qui allez faire la fête. Vous allez pouvoir enfin vous défouler. C'est les voisins qui vont être moins contents, peut-être pour certains clubs. Mais en tout cas, faire plaisir de vous revoir dans beaucoup de clubs en France. On leur souhaite bon courage. Côté ciel aujourd'hui, les températures sont plutôt pas mal, on va dire, pour ce matin. On démarre à 9 degrés et on ne dépassera pas les 14 degrés. Malheureusement, la pluie sera bien là ce matin avec des nuages et tout au long de la semaine. Eh bien, demain, du soleil. Ah, il revient avec un peu de nuages. Et vendredi, malheureusement, la pluie est de retour. Samedi, le soleil revient. Donc, c'est un jour sur deux. Soyez bien là, l'écoute de Radio Arc-en-Ciel avec Barry White qui arrive, le meilleur des souvenirs en direct avec You're the first, the last, my everything. Quel souvenir, quelle voix. Il nous a quitté il y a bientôt 20 ans. Ça passe, hein. Monsieur Barry White. Slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. You're my sun, my moon, my campaign. Quelle voix! Et vous chantez dans la voiture sur la tangentielle, peut-être, hein, direction le taf ce matin. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h. Mon ami Dimitri qui est là, hein, pose le café avec nous. Bah, ça fait plaisir quand des gens qui passent vous voir à la radio. Bah ouais. Ah ouais, c'est ça la vie. La vie est belle. Heureux d'être là, 8h11 avec du son qui arrive, un peu de kizomba, tiens, histoire de danser sur la tangentielle, peut-être dans les bouchons encore. Bah ouais, la tangentielle, 90% c'est les bouchons, hein. Voici la Keys avec All of Me. C'est le son Caliente dès le matin. Bonne journée, bon petit déj à tous sur Radio Franciel. My rhythm and blues, I can't stop singing. It's ringing in my head for you. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. tristesse te voit danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. C'est le soleil brûlant de l'océan Indien. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée, l'air joué comme ma princesse. Le mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, j'ai le sable doré, ton corps enlacé. Français, 8h17 minutes en direct. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin avec Jimmy Cassel, Kai Figo et Kainé Lélé. C'était en 2013. Ça vous rappelle quelques bons souvenirs. Salut mon pote Dimitri qui est sur la route. Ça y est, va bosser. Bah ouais, dépêche-toi, feignasse. Du son qui arrive. Histoire de vous rappeler quelques bons moments avec Lazara. Et ça, on adore sur la radio couleur. Belle journée. 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Si vous nous appelez, on vous lâche le téléphone. 02 38 43 48 00. Voici Lazara, très bon petit déj. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois? Que jamais être contre toi. Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres avant toi. Tu t'en iras. De ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres avant toi. Je n'attendais pas que tu le sois.

j'attends. Patrick Bruel, on vous attend. Ouais, vous êtes en retard au boulot, hein. Le patron, il va gueuler ce matin encore. Hein. Rendez-vous dans 10 ans, place des grands hommes, sur la radio couleur 96.2 FM. Heureux d'être là. Francky au réveil, 8h25. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Ah ouais, l'actu locale et les bons plans aussi pour sortir, n'hésitez pas à vous rendre à notre belle salle de la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Vous avez toutes les informations, tous les spectacles sur le www.passerelle.fr. Et puis, les autotests, ça y est, c'est fini dans les grandes surfaces depuis hier. Hein. Les pharmaciens étaient en colère, du coup, on les retrouve que dans les pharmacies, à prix régulier, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire, justement, de ces autotests? J'aimerais bien savoir si... S'il y a un grand magasin qui peut nous appeler et nous dire ce qu'ils vont en faire, et bien on sera ravis. 02 38 43 48 00. Le PSG qui a gagné hier face au Real, c'était la 8e de finale, 1-0, un but de Mbappé, bravo. À chaque fois qu'il rentre, il claque un but, lui, c'est la folie, hein. Et puis aujourd'hui c'est l'ouverture officielle en France de toutes les discothèques pour le Loiret. Ça sera ce week-end, jeudi, vendredi et samedi, donc n'hésitez pas à vous rendre dans toutes les discothèques de France et de Navarre. Et puis cocorico, vive la ville d'Orléans et le faubourg, parce que la meilleure moutarde en France a été élue à Orléans. Et ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Et justement, je suis content parce qu'à quelques centaines de mètres de la radio, la vinaigrerie est à côté de la radio, à 100 mètres, on va dire, de la radio. Bravo pour cette belle moutarde d'Orléans. Bravo à nos amis orléanais. Ça fait plaisir. Alors une moutarde à 100 mètres de la radio. Enfin le matin, pas terrible. Hein. Du son qui arrive avec Mr. President et Coco Jumbo. Le meilleur des souvenirs, c'est sur la radio couleur. Yeah. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est funky. En el lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. J'adore cette reprise de mon poteau Rodrigo Ace, Last Christmas de George Michael. Salut à Bertrand qui est connecté du côté de Saran. Salut Francky, belle journée. Pas de soleil aujourd'hui, de la pluie. Bah ouais, sortez le kawé à l'ancienne autour de la taille. Rappelez, ça rappelle des bons moments. Hein. J'ai vu, ça vient de ressortir les kawé. Les tarifs, c'est extraordinaire, hein. Ça claque quand même. Hein, ouais. Mes débuts avec le collectif métissé. Ah ouais, des bons souvenirs en 2011 avec Sexy Lady, mon pote DJ Fou. Que de souvenirs. Sexy Lady qui arrive. à toi. Va danser sur le collectif métissé, ça c'est le nouveau. Thank you. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. J'ai trouvé l'amour fait pour moi. Ne regarde pas autour et suis mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. J'adore cette belle reprise de Ed Sheeran, Perfect par Sarah H. Allez écouter son album sur YouTube par exemple, vous allez voir, il y a plein de reprises en français. Et on adore à la radio. Heureux d'être là, tu es parfait ce soir. Merci Sarah. Ah ouais, Disco Caliente avec le meilleur des remixes. Aventura, Cuando Volverás. Belle journée, 8h44 en direct. Cuando volverás, cuando muchacho, muchacho, acompáñeme. Conseil avec Aventura, Cuando Volverás. Redette avec vous. Petit coucou à Espérance qui nous écoute, qui m'a connu tout gamin. Bah voilà, salut Espérance. On te souhaite une belle journée à la écoute de la radio Arc-en-Ciel. Et puis plein de reprises de Johnny ce matin par des groupes qu'on adore. Thanos qui reprend Oh Marie, si tu savais. Ah, 8h48. Victor qui arrive dans quelques minutes. Oh, Latina. Oh, Bandit à la planète. Que afuera que lloraría si tú me vieras la careta que mostra candela. Mari, yo te quiero, Mari, yo te adoro. La brinda en mis ojos porque no te veo. Lloro si estoy solo, lloro acompañado. Mari, ya no me controlo. Quiero tenerte a mi lado. Wow, wow, wow. Quiero tenerte a mi lado. Wow, wow, wow. Ya no aguanto, estoy cansado. Oh, Mari. Oh Marie, la reprise de Johnny. Et comment bien commencer la journée, l'équipe de France olympique et paralympique, quel magnifique exploit de Clément Noël. Il est le premier médaillé d'or en ski alpin depuis 2006. Bravo à toi, Clément Noël. Voilà, une bonne nouvelle pour bien démarrer cette journée sous le rayon del sol, Excel Figo. Bon petit déj et bon repos si vous êtes en vacances du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray ou Olivet. Yeah.